dans vos oreilles. 80. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Assemblage requis. On fait tirer des céréales grâce à General Mills. Et les découvertes musicales de Maxime Le Miller-Amé dans Télécharge quoi? C'est à Assemblage requis. Ça commence right now! Wow. Ça va être une bonne journée pour compenser pour hier, mais en même temps, Colin, c'était pour aller magasiner hier. Fait que pas sûr que j'aurais... T'as pas ça magasiner, Mathieu? Moi, magasiner, non, c'est ça. Hier, j'étais pas au travail à cause de ça. On était allé magasiner à Montréal voir un film à Beasley. Beasley. Très bon film en passant. En français, c'est quoi? C'est La Belle et la Bête? Je sais pas comment ça s'appelle en français, honnêtement. C'est celui avec Vanessa Hudgens et le gars qui était dans I Am Number 4 récemment, là, numéro 4, quelque chose. Il est là-dedans. La nouvelle vedette d'Hollywood, la nouvelle coqueluche, toi. Non, c'est ça. Hier, magasinage pour une blouse pour ma copine, genre, qu'elle s'est trouvée. Une! Tout le voyage à Montréal, les trois restaurants, le popcorn, le film pour une blouse. Ça vaut la peine, les gars. Hein? Vous savez de quoi je parle. Bienvenue à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. On est le mercredi, le 30 mars. Hey, le film Beasley, c'est sortilège en français. C'est plate, ça, sortilège. Ouais. C'est dans mes plates. Mais souvent, c'est ça, les traductions. Oui, ouais. C'est pas... Pas très gagnant, non? Non, pas moi, très. Beasley, je sais pas. C'est sûr que peut-être que bestial, là, ça peut être quelque chose de, un petit peu trop sexuel. Je sais pas. Monstrueux. Tu sais, c'est à peu près ce que ça veut dire, quelque chose de genre. Tu nous racontes un peu l'histoire tantôt? Ouais, ben on en parlera dans la prochaine intervention. Très bon point. Aujourd'hui, donc, à l'émission, on a Maxime Le Miller-Amé avec ses trois suggestions musicales de la semaine. C'est Télécharge quoi? Ça s'en vient à 8h. Le coach. The Coach. On fait tirer aussi des céréales avec grâce à General Mills. Ah, ils sont fins, General Mills. Ils sont fins toute la semaine, on est fins. Vous offrent non seulement ils sont fins. Oui, ils sont fins. Ils sont fins et des bouches fines aussi. Oh oui. Parce que les Cheerios, ça goûte bon inside the mouth. C'est de la grande gastronomie. Tout à fait. J'adore ça, moi. mais pour l'instant, on commence en musique. Voici Sufjan Stevens et I Want to Be Well au 89.1 FM. C'est fou. Sleep, I'll find peace, I'll go in the dark.

eyes like a jigsaw puzzle. Pick it up and fix it for me. Are you listening now? Listening now. So I'm smoking like a chimney. I feel fucked up, I got too much drink in me. It's a shame that you can't be around. I kinda want you near to me. I got you on my mind, I got shit on my mind. I got plenty of time to just sit and rewind. Hear me out, didn't mean to scream and shout, but won't you forgive me now? My heart is like a jigsaw puzzle, pick it up and fix it for me. Can you figure it out, figure it out? My heart is like a jigsaw puzzle, pick it up and fix it for me. Lady Sovereign avec la pièce Jigsaw. Quel excellent accent. Quel excellent accent, ce magic. Elle a vraiment un accent poche. Poche. Poche, le mot britannique, pas poche comme en français, que c'est poche. C'est quoi poche? Chic, genre. Oh. Quelque chose comme ça, je sais pas, c'est dur à dire. C'est vraiment un mot, ouais. Oh, ouais. P-O-S-H, comme poche Spice. Là. Oh, là, tu sais, ça me dit quoi. Et voilà. Tu me parles des Spice Girls ce matin, Mathieu. C'est toujours le cas. On parle aussi du film Beastly que je suis allé voir hier, comme on en parlait il y a quelques minutes à peine. Oh. Sortilège au Québec. Pas sûr. Ah ouais, donc. On se demandait tantôt pourquoi le film s'appelait Sortilège en français. C'est que le livre s'appelait comme ça. Et souvent, en français, quand un livre s'appelle d'une certaine façon, le film basé sur le livre va souvent porter le même nom, poche. Mais poche dans le sens de poche. Bon. Une comédie fantastique créée par Daniel Barnes qui est sortie le 18 mars dernier. Donc ça commence à dater. Et sûrement dans ces dernières semaines, on est allé le voir à Montréal, il était encore à l'affiche, mais on était très chanceux. On s'est considéré chanceux. Ouais, c'est ça, mais ça m'a surpris quand tu m'as dit ce matin que t'étais allé voir ça hier. Parce que dans ma tête, en fait, j'ai vu la bande-annonce. Mm-hmm. Ça fait quand même longtemps, par exemple, à la télévision. Tout à fait. Donc, c'est sur sa fin. Pas mal, même qu'à Trois-Rivières, je sais pas si c'est encore à l'affiche. Okay. Nous, il y avait comme 4 personnes dans la salle et c'était à Montréal. Mais tant mieux, ça c'est le fun. Oui, ben oui. Ça c'est pas déplaisant. Ma copine, t'sais, on soupait puis elle était comme il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on se dépêche. Et moi j'étais là puis j'allais aux toilettes, mettons. Elle a dit attends une minute, là on va rater le film. Hey, il est sur sa fin. C'est parce que tu peux tasser en avant, en arrière, dans le milieu, à gauche, à droite. T'as le choix. Il y a 4 personnes avec nous autres. Donc c'est une adaptation du roman Sortilège de l'auteur Alex Finn. On dit que c'est une adaptation des temps modernes de La Belle et la Bête. Je pense qu'en voyant l'annonce, c'est un petit peu de ce dont on se rend compte. Fait intéressant, j'ai trouvé, le film a été tourné en grande partie à Montréal. Donc, vous allez reconnaître des endroits. Je voyais sur un site qu'il y avait des exemples d'un certain café. Là, je ne me rappelle pas du nom, mais qui jouait le rôle d'un autre café dans ce film-là. Puis un parc qui était supposé avoir l'air du Central Park. Bref, c'est très, très intéressant. Et même que quand tu regardes le générique à la fin, tu t'en rends compte tout de suite parce que la plupart des noms, c'est des noms francophones. Typiquement québécois. Vanessa Hudgens et Alex Pettyfer dans ce film-là. Vanessa Hudgens, qu'on connaît très bien, même pas besoin de la présenter, mais c'est la fille des High School Musical. Très jolie, très, très, très jolie. Ce qui me surprend d'ailleurs, parce que dans le livre Sortilège, dont j'ai pas lu le livre, évidemment, je sais pas lire, mais sur Wikipédia, on disait que la fille dans le livre est pas supposée être jolie elle-même, pas tant que ça a les dents croches. Oh, ouais. Ça dit sur Wikipédia, et là, je ne dis pas que je trouve ça laid, même qu'au contraire, mais c'est une rousse aux yeux verts dans le livre. Okay. Donc, rejet, tu sais. Malheureusement, okay. Je comprends pas cette idée-là, mais bon. Que les rousses sont rejet, je comprends pas ça. Ah, il existe de très belles rousses. Oh que oui. Mais c'est bizarre qu'elle ait choisi cette actrice-là. Parce que de nature, ouais, c'est ça, elle est tout à fait jolie, là. Tout à fait. Mais c'est une façon de raconter à la Hollywood. Ouais. C'est difficile les héroïnes ou les héroïnes. Hey, t'es pas supposé dire le S, la liaison, quand t'as un H au début du mot, mais les héroïnes, ça fait bizarre. Il y a aussi Alex Pettyfer dans ce film-là. Alex Pettyfer, que vous reconnaîtrez peut-être du récent film I Am Number 4, qui est sorti il y a quelques mois de ça. Hein? Les deux ont reçu le prix Star de demain au Show West Awards en 2010. Donc, ça va être... Star de demain. Je pense que Vanessa Hudgens, c'est déjà une vedette, mais l'autre, il est sur son début et sur sa lancée, je pense. Ça, on s'inquiète, Anne. Star de demain. Oui, ben en effet. Hein, mais bon. Star de demain! Oh, on fait un concours comme ça sur nos ondes. Comment ça qu'on n'a pas de concours de talent? Bon. C'est pas, hein? C'est pas grave. Beasley, donc, ça raconte l'histoire d'un jeune homme de Manhattan qui a tout pour lui. Bon, il est beau, il est riche, il a toutes les filles qu'il veut, il s'en débarrasse quand ça ne tente plus d'être avec eux autres. Il y a n'importe qui, tout ce qu'il veut avoir, il l'a. On dit que sa vie va tourner au cauchemar. Alors qu'il rencontre Kendra Elferty, qui est une jeune fille dans la même école que lui. Ça, c'est Mary-Kate Olsen. Michelle dans Full House. c'est une étudiante gothique qui pratique la sorcellerie. Donc, à un moment donné, quand le gars riche, beau et tout ça, il fait campagne pour être dans le parti environnemental ou quelque chose du genre à son école. Et là, il fait vraiment sa campagne en disant, tu sais... est-ce que vous devriez voter pour moi parce que je suis beau? Est-ce que vous devriez voter pour moi juste parce que je suis riche? Ou tu sais, puis à la fin il fait comme oui parce que c'est ce que les gens aiment. C'est ça sa façon de penser au gars, c'est dans la vie, ceux qui trouvent que la beauté n'est pas importante sont soit stupides ou soit affreux eux-mêmes. C'est sa façon de voir les choses. Hein. C'est très, très américain. Hein, très américain, tout à fait. Donc, c'est ça. Il va apprendre sa leçon en devenant affreux à cause de la sorcière Kendra. Et puis, les aventures continuent. Et puis, les rebondissements sont tellement nombreux. Et tellement, à mon avis, même si j'ai bien aimé le film, à mon avis, à l'eau de rose un petit peu. L'histoire va très, très vite. C'est pas très, très plausible non plus que tout le monde... Il peut dire à tout le monde, ce gars-là, c'est un sort qu'on m'a jeté. T'sais, il invente rien, là. Il invente absolument rien. Puis tout le monde, c'est comme, ah ben, il y a eu un sort. Ah, il passe pas pour un fou? Ben non, pas du tout. Moi, je me serais attendu. C'est normal. Au début, il se cache de Vanessa Hudgens, mais à un moment donné, il se montre. Puis il se montre à son père après 2 secondes. Il y a absolument, Colin, mon fils, t'es défiguré maintenant. Puis là, son père le délaisse son un peu. Ils sont pas choqués. Non, ben le père, c'est parce que le père est aussi vain que son fils. T'sais, dans le sens qu'il va essayer d'aller lui faire des chirurgies, puis il y a rien qui marche. Ce qui est une autre chose qu'il faut vraiment, comme, faut absolument suspendre sa croyance en bien des choses. T'sais, quand tu regardes un film, on appelle ça suspension of disbelief. Là, c'est genre qu'il faut que tu. Faut que tu t'enlèves de la tête que les choses sont pas plausibles quand tu regardes un film, parce que sinon ça gâche tout le plaisir. Dans ce cas-là, ça m'a quand même gâché le plaisir, parce que c'est tellement loin d'être normal, la situation. Mm. C'est comme, il va à l'hôpital, puis mais c'est de la magie. Ah, ben c'est normal. Pourquoi pas? Alors que si mettons, il avait voulu faire une histoire crédible, ça aurait été, bon, il devient un freak, là, dans les médias, tout le monde en parle. Non. Ouais, ouais, ou il se cache tout simplement, il peut pas sortir, comme une bête, là, tu sais, d'où le nom Beasley. Ouais. Tu t'attends à ce que soit traité comme une bête. Non, ouais. Il est traité comme un gars un petit peu ben freak, normal. Là. Ouais, ok. Il a des tattoos, mais il est un petit peu freak. C'est ça son excuse. Ben, bon. Ouais, non, c'est ça, j'ai bien aimé le film. Très à l'eau de rose, là, très, très Twilight, et etc., etc. Est-ce qu'il est long? Ça dure longtemps? En tout cas, moi, ça a passé très vite. Pour vrai, ça m'a diverti. Un Twilight, vraiment, je m'assis devant et je m'endors. Littéralement, je suis pas capable de passer au travers de Twilight. Mais celui-là, Beasley, ça va super bien pour moi. Ah. Il y a Vanessa Hudgens dedans. Ça peut aider. Ça peut tenir réveillé. Non, mais vraiment, elle illumine l'écran, oh, ouais, comme on dit. Vraiment, dans un film, c'est incroyable de la voir. Elle est vraiment très bonne actrice en plus. Le gars, par contre, Alex Pettyfer, moi, je sais que c'est dans ses premiers... En tout cas, je crois que c'est dans ses premiers films, ça, et I Am Number 4. J'ai pas trouvé son talent très, très talentueux. Non. En tant que bête, je l'ai trouvé meilleur qu'en tant que vraie personne superficielle. Acteur. Ça, je sais pas, ça sonne un petit peu faux par moment. Mais bon. Quand même. Beastly, voilà. Je sais que c'est une critique extrêmement en retard, là, mais c'est ça. Beastly. Ah, merci. Puis sur 10? Ah, les notes, j'ai aucune idée comment quantifier ces notes-là. Tout simplement que c'est de n'importe quoi. Non, mais ça vaut quoi? Ça vaut, mettons, Ben, j'irais plus en sens de je le recommanderais sur DVD facilement. Ouais. C'est certain que ça vaut la peine d'être vu sur DVD. On l'achète pas? Non, vraiment pas. Je vois pas l'intérêt du tout. Le voir en cinéma, je sais même pas vraiment si ça valait la peine. Par contre, je suis heureux de l'avoir vu en anglais, personnellement. Mm. Et ça, je sais que le public ici à Trois-Rivières peut-être partage pas le même avis. Mais sur DVD, à la limite, encore là, tu peux le mettre en anglais. Ouais, c'est ça, exactement. Peut-être que tu seras en français, mais je trouve que c'est toujours beaucoup, beaucoup mieux en version originale. Ça, c'est évident. D'ailleurs, si on peut en parler, j'avais la page il y a 2 secondes de ça. En français, Joël Legendre vient un petit peu gâcher le plaisir. Pour faire la voix. Il fait la voix de... Ah, j'ai oublié d'en parler, tu sais, de Neil Patrick Harris, la super vedette Dr. Doogie dans le temps, mais qui maintenant fait I Met Your Mother. Lui, c'est probablement un des gars les plus drôles sur les différentes planètes du système solaire. Crime, je pensais... vois-tu, on dirait que... Je pensais même plus qu'il existait. Docteur Doogie. Ah, il existe et il est meilleur que jamais. Depuis son retour dans le monde du cinéma là, et de la télé. C'est quoi son nom? Neil Patrick Harris. N-E-I-L. Et puis Harris, H-A-R-R-I-S. Non, vraiment, un des gars les plus drôles. Si vous l'avez pas vu récemment dans quelque chose qu'il a fait depuis, je dirais, les 10 dernières années, vous manquez vraiment quelque chose avec Neil Patrick Harris. Il joue un très, très bon rôle. Il joue un aveugle là-dedans qui conseille un petit peu le héros principal parce que son père, tellement il est vain et... Il doit absolument avoir un beau fils, finit par le délaisser et l'envoyer dans une maison qu'il a ailleurs dans une autre ville. Et puis, il y a ce conseiller-là, Neil Patrick Harris, et une jeune, sa femme de ménage, si on veut, qui viennent l'aider dans son aventure d'amour, parce qu'il faut qu'il trouve l'amour en dedans d'un an. Sinon, il va rester affreux après. Et calé. Bon, donc, Beastly, non, c'était recommandé sur DVD, mais peut-être plus en location que d'autres choses. Voilà. Par contre, moi, j'ai vu la bande-annonce du nouveau film qui s'en vient, Anna. Devant ce film-là, il y avait la bande-annonce de Anna. Ça a l'air vraiment, vraiment bon. C'est une fille qui est prisonnière avec son père de je sais pas trop quoi dans le Nord. Et puis, elle est recherchée parce qu'elle a quelque chose d'anormal. Puis, ben, il se passe de l'affaire. C'est comme un... Ça a l'air bizarre. Anna. H-A-N-N-A. Si ça vous intéresse. Moi, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Pas Anna Montana. Pas Anna Montana, malheureusement, non. Mais si elle a mis Miley Cyrus, il y aurait pu avoir plus de violence envers elle, puis ça m'aurait fait plaisir. C'est pas fin, ça. Ben, elle est pas bonne, t'sais. Ah, mais il y en a qui l'aiment. Oui, tout à fait. Même moi, tu vas me trouver bébé un peu aussi. En même temps, ça te surprendra pas du tout. Mais j'aime bien les émissions de Disney, quand même. J'écoute plusieurs émissions de Disney. Tu sais, genre Zach et Cody, tu savais ça, oui. C'est ça? Ben, Anna Montana, je suis pas capable. Fait que même moi, que mon niveau de tolérance des affaires pour un enfant, assez, tu sais. C'est élevé, mais. Anna Montana, ça passe pas du tout. Ah. Bon. Hey, merci, Matt. Ça fait plaisir, ça. Donc, bon film pour allouer. Oui. Tout simplement. Voilà. Merci. Thank you. On dit plus thank you. Non, hein? Ça fait longtemps. Ouais. Thank you. Thank you, Matt. On va retourner en musique avec Ringo Dead Star. On les adore. Cette pièce-là est vraiment adorable. Un peu à la Vanessa Hudgens. Mais en musique. Et avec une voix de gars. Bref, ça y ressemble pas. Ça y ressemble pas. Je sais pas où j'ai pris ça. Pour moi, tu rêves encore, elle. Ouais. J'aurais aimé que ma nuit soit plus longue. I'm not afraid to Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis. La grande chef d'Il danse avec les genoux à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Ça t'a fait peur, ça, cette fin-là? Oui. Ça fait mal aux oreilles, ça, Mathieu. OK, ben on va le réécouter d'abord. Remets ça. Non, c'est pas celle-là. Non. Celle-là? Non. Je sais qu'on peut, Attends, non, hey, Matt. Oui, vas-y. Non! Non! Je voulais te parler de quoi de sérieux? Ah, excuse-moi. Vas-y. C'était plate comme fin. Je te referai plus ça. Hey, écoute, je te parle d'un festival qui se déroule du 17 au 18, en fait deux jours, 17-18 juin, qui s'en vient prochainement, à Montebello, dans le coin de l'Outaouais. Et puis, un gros festival quand même, beaucoup de surprises. Il y a des bands comme NoFX, Lamb of God, Underoath, Descendants, qui ça fait, je pense, ça doit faire une dizaine d'années qu'ils sont pas venus. Depuis le temps de ta descendance. Oh, tes parents, t'es. ça fait quand même longtemps. Pennywise, Hatebreed, Bouncing Soul, Hot Water Music, Joey Cape de la Wagon, The Flatliners, Mono Serge. De St. Catherine's. Grimmskunk. Oui. Un groupe que tu fais jouer de temps en temps ici. Je pense que ça joue à chaque semaine dans C'était Fou, tellement que ça a eu du succès à chaque année, je pense. Oui. Ouais. Et Xavier Caffine aussi. Pépé sa guitare. Mm-hmm. Voilà, en fait, là, c'est un peu les artistes qu'on va pouvoir retrouver. Dance Lurie Dance, qui avait fait aussi le carnaval ici, ouais. Au 10-12. Donc, c'est un festival qui est quand même très gros, avec des gros noms, NoFX, qui on sait, en fait, dans le domaine du punk, ce truc-là, c'est quand même assez gros. Lamb of God aussi, On the Road, Pennywise, Hatebreed, donc des très beaux noms. Ça se déroule le 17-18 juin prochain à Montebello, en Outaouais. Et puis, en grande primeur, roulement de tambour, s'il vous plaît. Roulement de tambour. On va avoir des billets à faire tirer sur ces fous. Oui, tout à fait. Pas tout de suite, par exemple. On sait que c'est dans le mois de juin, donc il va falloir regarder ça. Sûrement, Assemblage Requis cet été. Oui. Mathieu va faire tirer les billets. Donc, oui, François viendra les faire tirer en ondes par l'émission. Oh, c'est bon. Ce serait drôle. Oh, ça me fait plaisir. Ouais, ouais. Parfait. Donc, c'est comment ça s'appelle, ce festival-là, dis? C'est le Rockfest Detox. Mm-hmm. Detox, en fait, comme la présente. Marque. Oh, ouais, c'est ça, exactement. Le Rockfest 2011. Donc, ça, c'est intelligent de la part de festivals et différents endroits, comme ça, de mettre le nom du partenaire dans le nom. Oh, comme ça, ça fait de la pub tout à fait. Gratuite et t'as pas le choix de le dire. T'sais. C'est ça, exactement. Ouais. Non, c'est très bien. Beau festival. Je sais pas, je vais peut-être aller faire un tour là. Tout dépendait si ça donne aussi. Oh, ouais, ouais. C'est 2 jours, donc c'est quand même des journées remplies. Avec le nombre de noms que tu as dit dans ton énumération tantôt, en 2 jours. Oui, oui, puis il y en a plein que j'ai pas nommé aussi. Là. Si tu veux, je peux même t'en nommer un dernier. Là. Oh, oui. Ouais, ça, oui, tu veux. Tout à fait. Okay, c'est toi qui l'as offert, en fait. C'est un petit peu ta faute. Écoute, avec un groupe mystère. Ah oui, ouais. Le groupe mystère. Ouais. Bon. Présenté par Musique Plus. Donc, non, c'est ça. Allez voir la programmation, c'est fort intéressant. C'est quoi l'adresse internet? PNRockfest.com. PNRockfest.com. Ouais. Simple. Ouais. Très simple. François? Mathieu. J'avais beaucoup pas connaître les noms de ces groupes métaux-là. Mais NoFX, c'est sûr que tu connais. Oui, quand je connais ça. Que t'écoutes pas ça, tu connais ça. Je connais le nom. Je connais la plupart des noms, en Xavier fait. Xavier Caffin va être là aussi. Ça, vaguement, oui, ça me dit quelque chose. Pennywise, tu non? Non. Est-ce qu'on continue la liste pour que je te donne tout mon avis sur chacun de ces groupes-là? Non. Joey Cape, la Gwagon. C'est correct. Alors, on va arrêter ça ici. On va à la place faire un peu comme dans Beastly, dont on parlait tantôt. Tu sais, lui, il avait un an. C'est ça, c'est transformé. Lui, il avait un an pour se faire dire « je t'aime ». Moi, j'ai 5 minutes, peut-être plus que ça, pour vous donner 10 faits. Sinon, je vais devoir animer toutes les émissions de la grille horaire de C'est Fou. Oui. La collecte, c'est un fait, c'est celle des choses véridiques, véritables et vérifiables. François, telle une liste à cocher, tu vas aussi me dire si tu trouves ces faits intéressants ou si tu as quelque chose à dire. Tu y vas. Hey, tu te gardes bien comme il faut, OK? Parfait. Commençons par ton sujet préféré, je pense, Facebook. Ah oui. Savais-tu que le tiers des employés, donc des gens qui travaillent, démissionneraient de leur emploi de si... Facebook? Non, démissionneraient de leur emploi okay. Si leurs employeurs leur interdisaient Facebook au travail. Ah oui, ouais. C'est vrai. Mais c'est un sondage qui date quand même de 2008. 39% des personnes entre 18 et 24 ans démissionneraient de leur emploi leur employeur leur empêchait d'aller sur Facebook. Un autre 21% disait que ça leur dérangerait, mais qu'ils quitteraient pas leur travail. Bien sûr, comme je disais, c'était en juin 2008, ce sondage-là, avant que l'économie aux États-Unis ait tellement mal que la plupart des gens diraient jamais non à un emploi et travailleraient n'importe où. Donc, j'imagine que cette cote-là a baissé pas mal. Ouais. Bref, Facebook, ça prend beaucoup trop de temps. La productivité descend sans cesse. Mais bon. Tu savais que le comic book guy dans Les Simpsons a un nom. Le comic book guy, c'est le gars qui travaille dans un magasin de bande dessinée. OK. Tu connais? Il a un vrai nom et devine ce que c'est. Ah, c'est Jeff Albertson. Oui. Le nom le plus ennuyant du monde. Les créateurs de l'émission voulaient lui donner un vrai nom depuis le début, mais ils n'arrêtaient pas de remettre ça plus tard parce qu'ils aimaient bien le running gag de l'appeler Comic Book Guy. Mais après des années d'anticipation, le Comic Book Guy a enfin révélé son identité à Ned Flanders dans un épisode de février 2005, Homer and Ned's Hail Mary Pass. Les scripteurs ont délibérément choisi un nom des plus génériques pour que la grosse révélation soit le plus ennuyante possible, là, que ça change absolument rien pour personne. Un peu comme dans un épisode où on révélait que le J dans Homer J. Simpson, ou en anglais Homer J. Simpson, le nom c'était J. J-A-Y, t'sais. Pour que ce soit le plus. Ah ben Colin, Homer J. Simpson, la lettre J, ça veut dire J. Wow. T'sais, c'est pas du tout impressionnant. Selon MTV, les créateurs de l'émission avaient un autre plan en tête. On dit que qu'il était supposé s'appeler Lois Lane, mais L-O-I-S, un peu comme Lois Lane dans Superman, mais Lois Lane, et il devait être un genre de stalker, là, un gars qui est obsédé par Lois Lane. OK. Et voilà. C'était supposé être ça, mais c'était pas ça. Oh. Et ben. Allons-y avec l'Empire State Building. Si on remplissait, là, je sais pas pourquoi vous feriez ça, mais si vous remplissiez l'Empire State Building de Sainte Noire, ça en prendrait 1,818,624. Non, je pense que j'ai même oublié un trio de zéro. C'est ça. Comment t'appelles ça? Trillion, je pense. Un trillion, ouais. 818 milliards, 624 millions de pièces de monnaie. Ça a du sens. C'est ça, ça dit 1,8 trillion de pièces. C'est environ 10 fois le nombre de cents qui existent en circulation présentement aux États-Unis. On dit que c'est parce qu'un pied cube de cents peut tenir 49 152 pièces et que l'Empire State Building contient 37 millions de pieds cubes. Wow! 37 millions de pieds cubes. C'est vraiment utile à savoir. C'est quand ce même que beaucoup. Oui, tout à fait. Si vous voulez aller voir le Mega Penny Project sur cocojiac.com, et là, je ne vous l'appellerai pas le lien sur assemblagerequis.com, mais il y a différentes choses qui sont comparées à des cents. C'est le projet qu'ils ont choisi. Là, tu peux regarder sur la page en dessin de quoi ça a l'air si tu prends, mettons, 100 000 cents de quoi ça a l'air. Là, ça vous montre deux cubes. Et là, c'est vraiment c'est visuel. Là. Tu peux vraiment tout voir. Bref, c'est ça sur assemblagerequis.com. C'est là qu'est le lien. On parlait tantôt de Facebook qui allait empêcher les gens de travailler, peut-être. Savais-tu que la plupart des Américains sont sur Facebook? Hein? Un sondage de Edison Research a dit que 51% des Américains de 12 ans et plus utilisent Facebook. 51%, plus de la moitié, François-Olivier Marchand. Cette statistique-là parle évidemment du fait que Facebook a beaucoup grandi très rapidement parce qu'un sondage très similaire qui date d'il y a 3 ans disait que seulement 8% des Américains étaient sur Facebook. Donc, il y a 3 ans, 8% et maintenant 51%. Ouais, il y a quand même eu un boom. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Toi, c'est quoi ta théorie là-dessus? Qu'est-ce qui fait que tout le monde est sur Facebook en ce moment? Sincèrement, je sais pas. Le bouche à oreille, les courriels fatigants. Mais tu sais quoi, je pense pas que ça dure vraiment très très longtemps. Non, mais toutes les modes sur Internet finissent par passer. Ouais. Tout le monde était sur Messenger, il y a un bout, moi j'entends plus personne qui est là-dessus. Non. Plein de gens étaient sur IRC avant, plein de gens étaient sur ICQ, je l'étais. MIRC. Ah, IRC, c'est ouais, ça. Ouais, ben IRC, c'est le nom du réseau. Merck, MIRC, c'est juste le nom du logiciel que tu utilisais IRC. Geek ici, référence geek. On parle du sondage, comme on disait, de 51% des Américains qui sont sur Facebook, mais on parle entre autres d'une des raisons qui serait peut-être l'utilisation sur téléphone cellulaire de Facebook, qui le rendrait populaire sur la plus route. Accessible. C'est plus facile que d'aller sur un ordinateur. Tu connais sûrement une série de livres et de films, là, Harry Potter. Harry Potter? Oui, ça me dit quoi. D'accord. L'auteur J.K. Rowling a choisi le nom de Hermione, ou en français Hermione, pour que les jeunes filles ne se fassent pas agacer parce qu'elles sont nerds, ou qu'elles ont un nom nerd. C'est pour ça que la fille s'appelle Hermione. Donc, dans une entrevue en 1999, J.K. Rowling a révélé son raisonnement derrière le choix de ce nom pour le personnage féminin central. Hermione était originellement le nom d'une femme dans The Winter's Tale, une pièce de théâtre de William Shakespeare. La version... disons, moderne d'Hermione n'a absolument rien à voir avec la version Shakespeare. Son nom est simplement choisi pour son obscurité, donc c'est vraiment juste le nom qui est similaire. Rowling dit qu'elle a écrit ça pour que les jeunes filles qui sont peut-être un petit peu plus nerds, qui sont, tu sais, genre à lire des affaires, qui sont un petit peu plus intelligentes, pas qu'elles se fassent agacer. Parce que dans le fond, dans le film, Hermione, elle est une héroïne. Et les gens, peut-être, vont s'identifier à elle. C'est une bonne idée, j'adore ça. Moi. Oui. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Oh. Et Harry Potter. Harry Potter. Et la fille qui joue Hermione. Les chiens ont prédit apparemment le tremblement de terre en Turquie. Je pensais que tu parlais du Japon. Non, malheureusement. Les chiens ont jappé, ont hurlé sans cesse pendant 24 heures avant le tremblement... Avant le tremblement de terre turc en 1999 à İzmit, en Turquie. Non seulement ça, mais on dit que les chats graffinaient les planchers avant le tremblement de terre. Et ça, c'est prouvé. C'est pas quelque chose de sorti de nulle part et aux superstitions. Non, c'est vrai que les animaux peuvent ressentir des choses plus subtiles que nous, les humains. Ça leur prend moins pour... T'sais. On sait que les sens sont tous développés chez les animaux. T'sais, les chats dans le noir, les chiens entendent des petits bruits absolument loin. Donc, un tremblement de terre, c'est pas quelque chose qui me surprend. Mais c'est intéressant. 24 heures avant. Impressionnant. Oui, vraiment. On revient sur le sujet de Facebook. Hein. On revient toujours à ça. Je pense que c'est pas mal le sujet de conversation de tout le monde depuis des années. Là. Mark Zuckerberg a changé son statut de relation sur Facebook après 7 ans avec la même copine. Zuckerberg est avec Priscilla Chan depuis 7 ans, depuis qu'ils sont au collège. Et il vient de mettre à jour, il y a quelques jours, son statut de relation sur Facebook. Étrangement, par contre, le fondateur et le propriétaire de Facebook, traditionnellement, est très, très limité dans son profil, dans sa vie privée. La plupart des utilisateurs ne voyaient pas d'autre chose que sa photo et une petite liste d'amis. Mais depuis quelques temps, il ouvre son profil public. Il montre, comme on disait, son statut de relation, une liste de ses membres des membres de sa famille et une photo de lui avec son chien. Donc, il commence à ouvrir ça. Peut-être qu'il comprend que Facebook, c'est un peu ça l'idée de partager avec les gens. C'est un petit peu bizarre que le propriétaire de ça soit aussi fermé. Ouais. Quelques derniers petits faits rapides, vraiment très, très rapidement. En 2007, la police thaïlandaise, était forcée de porter un petit bandeau sur le bras avec Hello Kitty dessus quand il faisait des infractions mineures. Donc, des policiers thaïlandais, une petite erreur, une petite gaffe, un beau bandeau rose. Tu mets ton bandeau, puis si tu l'enlèves... une plus grosse infraction, j'imagine. Donc là... Fusillade. tu connais l'idée, je sais pas si t'as déjà entendu parler de cette idée-là, qu'un homme qui achète une bague de fiançailles à sa fiancée devrait dépenser l'équivalent de 2 mois de salaire. Est-ce que t'avais déjà entendu cette idée-là? C'est très répandu. Aux États-Unis, c'est comme une norme. C'est le barème. 2 mois de salaire, ça fait une bague chère. Hein? Mais l'idée, tu seras surpris peut-être, enfin, je suis pas sûr que tu vas être surpris que ça vient d'une agence de publicité. Ceux qui ont fait les publicités de la compagnie The Beers, qui est une compagnie de bijoux. Et eux, ils ont décidé, ben Caroline, comment faire plus d'argent? Ben, inculquons la tradition de 2 mois de salaire pour une bague. On va devenir riche et ben, c'est gagné, bravo. En 1939, il y avait une mode, et là, tu vas être surpris celle-là. Il y avait une mode en 1939 d'avaler des poissons rouges. Les gens avalaient des poissons rouges. C'était super populaire. Même que le New York Times a dû publier un reportage, vas-y. Est-ce qu'il est recraché? Vivant? Je sais pas. Comme. J'ai oublié son nom, là. Le gars dans Jackass. Il avalait des poissons rouges vivants? Oh, puis il a recraché. Il est encore vivant. Ah ouais. C'est étrange, ça. C'est très intelligent. Donc, le New York Times a publié un article qui s'appelait Goldfish Gulpers Warned of Anemia. Donc, les gens qui avalent des poissons rouges pourraient souffrir d'anémie. Donc, on les avertissait du fait qu'ils pouvaient souffrir d'anémie. Eh ben, drôle de mode, ça. Eh ben, une chance que les temps ont changé. Hein. Les modes sont beaucoup moins spéciales de nos jours. Hein. Beaucoup moins. Il n'y en a plus d'affaires controversées. C'est oublié ça. Et on termine avec les biscuits japonais. Tu sais, les petits biscuits de fortune, les biscuits chanceux. Comment t'appelles ça, les petits biscuits chinois? En fait, japonais, chinois, mais ben, tu sais. Au Québec, n'importe quoi qui est asiatique, ça devient automatiquement chinois. Ouais, tu peux en acheter, je pense. Oui, tu peux en acheter. Exactement. Donc, les biscuits de fortune ont été inventés à San Francisco en 1909 au Japanese Tea Garden Restaurant. En 1916, un manufacturier de nouilles de Los Angeles, David Young, disait qu'il était l'inventeur, mais. La cour à San Francisco a dit que non. Non, non, non. Du tout, c'est Makoto Hagiwara Japanese Tea Garden à l'intérieur du Golden Gate Park qui était le créateur de ces biscuits-là, selon la cour de San Francisco. Il servait ces biscuits-là aux invités de son jardin. Donc vraiment, des deux côtés, que ce soit l'un ou l'autre, c'était des Japonais qui ont inventé ce biscuit-là. Donc pourquoi ça s'appelle le biscuit chinois? Par pur racisme. Ah, thaïlandais, on s'en fout, c'était chinois. Arrêtez! Hey, mon russe, toi, là. Russe? Parce que, ben, t'es blanc. Les blancs, ça ressemble tous. C'est vrai. Bon, russe, t'es russe, bon. Hein? N'importe quoi, vraiment n'importe quoi, cette affaire-là. Voilà pour la chronique, c'est un fait aujourd'hui. Et mon petit éditorial anti-racisme et racisme à la fin. Tout le monde est content. Mais dans la main pour la maison des jeunes. Bon. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'ils disent dans une chanson que je me rappelle plus, c'était qui. C'était Gestation Rap dans le temps que je chantais ça. Oh. Main dans la main pour la maison des jeunes! Main dans la main pour la maison des jeunes! Faudrait que je retrouve cette chanson-là. Puis tu préfères jouer ça? Hein? C'était fou? Ben voilà. Hey, merci, Matt. Ça me fait plaisir. Et par le fait même, François-Olivier, tout ça m'a fait plaisir aussi. Ah oui? Ben oui. Ben, Caroline, lâche-toi. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On revient avec une deuxième tantôt. On va avoir Maxime Lemieux-Laramé. Ça colle. Il cherche quoi? Le coach qui va nous parler de musique. Toujours. Et puis après ça, on fait tirer des céréales. Oh, des céréales musicales. Musicales, on va essayer. C'est pas des, certain. Mettons, je me mets des Cheerios dans les oreilles. Qu'est-ce que j'entendrais la mer? Ben, je pourrais te les écraser dans l'oreille puis ils pourraient rentrer encore plus profond. Mais j'aimerais ça. Ah, peut-être que si tu mets des Cheerios dans tes oreilles, t'entends une pinte de lait. Peut-être. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. C'est là. C'est fou. 80. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Bon, donc c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées sur les ondes de C'est fou 89,1 FM. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François Olivier. Et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce mercredi 30 mars. On est à quelques minutes de Maxime Lemieux-Laramé qui vient d'entrer dans un top modeste. C'est comme un arbitre, mais avec les lignes à la verticale ou d'horizontale. C'est les arbitres, d'habitude, ils ont les lignes. Ils sont vraiment à la verticale, les arbitres. Ah, oh, ouais, pour vrai? Ah, pas chez Footlocker. Les chez Footlocker sont à l'horizontale. C'est parce que. Chez Footlocker? Je sais pas. On dirait que c'est une bonne question. Ouais, mais en tout cas, pas grave. On y parle tantôt avec Télécharge quoi. Pour l'instant, voici Gatineau et Karaoke King, King, King, King, King, King, King, King. On dirait Claude François, j'ai la même tête, il a la même voix. Sur stage, c'est vraiment Claude François, j'suis Claude Parker, j'suis que ce bout des doigts. Ce qu'on dit, quand on voit apparaître, ça l'a l'air qu'elle est l'aide de l'âge de la main. Ou un billet de light pour mon light de light. C'est-tu le vrai Claude? Oui, ça l'a l'air de light. Plus vrai, pis plus que parfait. Plus vrai, c'est sûr que ça le fait. Saut de gros mec comme dans Belindo. Alexandre. Juste un peu de paillettes. Puis derrière moi, il y a une coupe de Claudette. Ça le ferait, je te jure que ça le ferait. Plus vrai, c'est sûr que je le ferais. Samedi soir, je plus Claude que Claude que Claude et mon clone. Tous les samedis soir, que King Ding de King Dong Hong. Samedi soir, je plus Claude que Claude que Claude et mon clone. Tous les samedis soir, que King Ding de King Dong Hong. Y'a des tonnes de tonnes, des pages qu'on tourne, des pages qu'on tourne. Y'a des tonnes de tonnes. Tendance statique garantie. J'aurais pu tirer boulet si j'avais voulu. Isabelle Boulet si j'avais voulu. Si j'avais voulu, j'serais peut-être Jean Leloup. Phil Lafontaine pis son cœur de loup. Mais parmi les chanteurs de chansons populaires, ça l'air c'est plus de Claude que de l'autre que j'ai l'air. Co-chromé style Magnolo. Les goûts du disco, c'est Anela. Père blond, ma guise de doublette. Pis dans ma tête, une coupe de Claude. Plus vrai, c'est plus que parfait. Plus vrai, c'est sûr que ça le fait. C'est le live, quel est l'aide de l'âge de Mike? Des lits de light pour mon live de light. Claude François, c'est sa light de light. Plus vrai, puis plus que parfait. Plus vrai, c'est sûr que ça le fait. Plus vrai, puis plus que parfait. Plus vrai, c'est sûr que je le fais. Samedi soir, j'suis plus Claude que Claude que Claude des mon clown. Samedi soir, I Gatineau avec la pièce Karaoke King sur l'album du même nom, Karaoke King, sur le palmarès francophone de C'est fou cette semaine. Quelqu'un qui n'est pas sur mon palmarès de mes personnes préférées en ce moment. C'est une joke. Mathieu Plante. Colin, c'est une blague, on n'est pas ça de même. Hey, tu télécharges quoi? C'est pas une personne qui télécharge quoi? Ben! En tout cas, elle parle beaucoup. Maxime Lemularamé, la personne, et télécharge quoi? La chronique, bienvenue à toi. Le coach. The coach. Celui qui me dit de quel bord sont les lignes sur un chandail d'arbitre. Ben non, mais c'est bizarre de pas savoir. Ben c'est normal, en fait, je serais surpris de savoir quelque chose sur un sport, je me sentirais comme. Ouais, mais un arbitre, il n'y a pas juste ça dans les sports. Je veux dire, la ligue d'improvisation. Non, mais c'est un sport, l'impro. Oh. Voyons. Hey. Excusez-moi aux improvisateurs, je suis désolé de vous avoir. Offusqué. Offusqué, oui. Ben c'est offusquant, oui. On dirait que je m'entends pas bien. Je m'entends bien triste. Ou. Ben, en tout cas, ça sort très bien. Si tu t'entends mal... C'est fort. On a une machine juste pour ça. Là. Je baisse ça. Je baisse ça parce que je m'entends crier dans mes oreilles et j'aime pas ça. C'est sûr que je peux te monter, mais tout le monde va t'entendre trop fort. Non. Monte-moi pas. Non, c'est ça. Je pense qu'on est tous mieux comme ça. Donc, Maxime, tu nous présentes tes trois suggestions, découvertes musicales à chaque semaine. Ben, c'est ça. En fait, on en discutait là, un peu pendant la pièce de Gatineau. Et puis moi qui veux tellement parler de musique francophone, puis je manque le nouvel album de Gatineau. Le premier album de Gatineau, je l'ai vraiment adoré. Là. J'ai écouté toutes les pièces. Je les ai vues une fois en spectacle, puis c'est impressionnant, hein, Gatineau en spectacle. Je les ai vues moi aussi, c'est très, très bon. Donc, en tout cas, shout out to Gatineau. Mais j'ai manqué. En tout cas, je vais me le procurer, je vais l'acheter, ce CD-là, sur iTunes. Le faux oui sur iTunes. Sur iTunes. Donc, c'est ça, je voulais parler de Justice avec la pièce Civilization. On avait entendu cette pièce-là sur une pub de Adidas, pub réalisée par Romain Gavras. Je pense que c'est le... En tout cas, c'est un réalisateur un peu controversé en France. C'est lui qui a fait le documentaire fictif sur Justice, justement. Et il a fait le clip aussi de Stress de Justice, qui est très violent. Et le vidéoclip aussi Born Free de M.I.A. qui est aussi violent. C'est comme... Je sais pas si vous savez c'est quoi ce clip-là. Il y a pas des guns là-dedans? Ouais, il y a des guns, partout, mais ils s'en vont comme prendre des roues, genre. Des roues, des personnes rousses. Ah ouais. Puis c'est ça. Ils sont méchants avec les roues. Ben, on a appris ce que j'en pense plutôt dans l'émission. Les roues, là. Ils sont fins, ils sont avec nous, il faut les encourager. Il n'y a aucune différence entre un roux et quelqu'un d'autre. C'est comme du racisme, en fait, je trouve. Vraiment? Ouais. Ah, d'accord. Donc, c'est ça. Alors, on a entendu la pièce Civilization pour la pub d'Adidas. Puis sur le net, cette pièce-là circulait, mais avec les bruits ambiants de la pub. Donc, la foule, parce que, en tout cas, c'est vraiment bien réalisé, cette pub-là. Moi, je la trouve excellente. Sauf que cette semaine, là, peut-être lundi ou hier, on l'a entendu sans les effets sonores de la foule. Et donc, ça enlève quelque chose? Oui, ça enlève quelque chose parce que dans le fond, la foule, tu l'entends comme, comment tu dis ça, ruger. J'avoue qu'on trouvait que la pièce se passait bien des affaires dedans. C'était peut-être ça. Hein. On l'a fait jouer la semaine passée, c'est pour ça qu'on dit ça. C'était peut-être la version avec la foule dessus. Ben, je suis pas mal sûr que oui. C'était très bon, même avec la foule. J'ai bien apprécié. Moi. Ah, ça se peut. Donc, c'est ça, cette pièce-là est disponible sur le web maintenant. Moi, j'ai envoyé un lien de Stereogum, si je ne m'abuse. En tout cas, j'allais trouver sur Stereogum. T'abuses pas du tout. Donc, c'est ça, on va aller écouter Justice, groupe électro-français. J'ai adoré leur premier album et puis j'attends leur second. Donc, Justice. Et Civilization. Civilization. Drums of the east, paralyzed and possessed by crusaders' deceit, lost to turbulent time. Bound by the science that lives on the lips of the wise. Beating on the menu drum. Fire on the menu gun. Water on the menu sun. De la foule. C'est vraiment bon. C'était Justice avec Civilization. Ouais. Très bonne pièce. Yes. On aime ça. Donc, poursuivons. Dans le bloc télécharge quoi de Maxime Le Meilleur Ami, juste pour ceux qui sont pas au courant. Oui, c'est ça. C'est une chronique dans l'émission Assemblage Requis. Oui, tous les mercredis matin à 8h. C'est ça. Là, c'est ton deuxième choix, même. Ouais, mon deuxième choix, je voulais parler d'une découverte que j'ai faite. C'est un album qui date quand même d'octobre 2009, là, quasiment un an et demi. Mm-hmm. J'en avais entendu beaucoup parler de cet artiste-là, Atlas Sound. Puis j'avais jamais écouté l'album Logo, au pluriel, comment on dirait ça en anglais? Logos? Logos? L'album Logos de Atlas Sound. Puis Atlas Sound, en fait, c'est Bradford Cox, qui est le chanteur de Deer Hunter. Puis Deer Hunter, c'est un groupe qui a été fondé à Mathieu Athènes, en Géorgie, aux États-Unis. Oui. Même ville que le groupe of Montreal. Ah. Puis là, je me dis, c'est peut-être une grosse ville de Géorgie, tu sais. Ouais. La deuxième, mais c'est comme, il y a 110 000 habitants. Je trouvais ça quand même surprenant qu'il y ait deux bands comme ça. Issu de, ouais, c'est ça, d'un état comme la Géorgie. Tu sais, j'ai rien contre les gens de la Géorgie, mais c'est pas New York, c'est pas Los Angeles, c'est pas. Non? Non, mais oui, tout à fait, mais ouais, en fait, c'est un drôle de hasard. Drôle de hasard, c'est ouais. ça. Donc, la pièce, c'est ça, la pièce que je vais, qu'on va faire jouer, hein, parce que c'est pas, c'est pas juste moi, là, c'est ça. Est-ce que tu veux venir de mon côté peser sur le bouton? Pas du tout. Pour faire un travail d'équipe, non? C'est ça, c'est, la pièce, c'est Walkabout. C'est une collaboration avec Noah Lennox, qui est un membre de Animal Collective. Okay. Puis moi, je trouve vraiment que ça me fait un peu penser... c'est bien ça que ça... Animal Collective. Puis Noah Lennox, c'est son projet solo, c'est Panda Bear. Ouais. J'en ai déjà fait jouer ici. Mm-hmm. Puis ça, c'est vraiment excellent. C'est ce que j'écoute ces temps-ci. Ouais. C'est relax, électro. Tu vois, c'est le genre de choses que j'aimerais vraiment qu'on fasse plus jouer à ces fous si seulement ils nous envoyaient leur CD. Ouais, ben c'est ça, tu sais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Que tu nous graves les CD, non, c'est pas vrai. Ah, c'est ça. Mais non, mais on risque de pouvoir s'en procurer, là, avec nos numérisations, ouais. Oui. En tout cas. Donc, est-ce qu'on écoute tout de suite Walkabout? Ouais, c'est ça. En fait, on écoute Atlas Sound, l'album Logos. J'ai choisi la pièce Walkabout. Bon. C'est ça que j'ai choisi. Walkabout. Salutations. Atlas Sound avec la pièce Walkabout de l'album Logos. Je trouvais vraiment que c'était... En tout cas, cette pièce-là me fait vraiment penser à Animal Collective avec les paroles un peu en répétition puis le rythme de la pièce. En tout cas, moi, j'adore. Tu capotes. Je capote là-dessus. Oh ouais? Ouais. Super. Il nous reste un dernier choix en tant que télécharge quoi. Ouais, c'est ça, dernier choix. Un groupe de Toronto qui a sorti son premier album le 21 mars, 4 jours avant la sortie du iPad 2. Oh! Bon. Et puis... Attends, c'est 4 jours après ma fête aussi. T'es né le 25? Le 17, après. Ah, après, ouais. Je t'aurais acheté un iPad 2 pour ta fête, avoir su. Avoir su, hein? Alors, j'ai raté ma chance. L'année prochaine, un iPad 3. Ah, peut-être. Donc, c'est ça. Le groupe s'appelle The Weeknd, mais Weeknd, pas de... Ben, il y a des E, en fait. Il y a des E? Il y a deux E. Mais pas de E. Mais pas de E à la fin. Dans la deuxième syllabe. Il y en a deux sur trois mois à la place. Dans la deuxième... non. C'est pas une syllabe, comment? Dans le deuxième mot qui a été combiné en un non, seul. Non, non, non. Il aurait dû juste pas mettre de E du tout, ça aurait été bien correct. WKND, Weeknd, ça aurait été parfait. T'sais. Comment ça, je trouve pas le terme? Tu sais, quand tu comptes les... Tu sais, quand tu sépares un mot... C'est des syllabes, ça. Des syllabes. Ouais, ouais, Weeknd. Ah, OK. Comme dans Maxime. Ouais, c'est des syllabes. Qu'est-ce que je raconte? Ben oui, voyons. Ouais, hein. Consonne, voyelle, consonne. J'ai pas étudié dans quelque chose, là. Non, c'est ça. Ça excuse tout, parce que j'avoue que le mot syllabe est un mot plutôt non orthodoxe. On l'utilise jamais. Non. On parle jamais de syllabe. Au primaire, au quotidien, on parle jamais de syllabes. Non. T'as pas tort là-dessus. Tu sais, nos parents nous disent plus « sépare bien tes syllabes, Maxime mm-hmm. ». Ils nous reprennent plus là-dessus. En tout cas, on a vieilli, hein, Mathieu? Ah oui. Dans le bon vieux temps qu'on parlait de syllabes. Là. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça, The Weeknd, groupe de Toronto, qui a sorti House of Balloons. Oh, j'aime ça. Maison de ballons. Le 21 mars dernier. Donc... c'est un peu dans R&B, tu sais, c'est bizarre. Moi, j'ai pas totalement encore embarqué, mais j'ai des amis qui trippent dessus. Donc, je me dis qu'éventuellement, tu sais, je vais peut-être embarquer. À force de te le faire écouter, tu vas t'en entendre. Ça fait vraiment comme dans les autres radios, hein, où on te joue la même chose 50 fois jusqu'à temps que tu le rentres dans ta tête. C'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, je vais pas commencer à faire des comparaisons, mais je vais en faire une. Ah bon? Ça me fait un peu penser à DXX. Ah, okay. Un peu, mais dans plus R&B. Donc, on va aller écouter ça Weeknd avec la pièce The Morning. On va s'en faire une idée, tiens. Ouais. C'est Télécharge quoi avec Max Lemelard. Je t'ai appelé Lemelard l'autre fois, ça fait mieux Lemelard, même s'il n'y a pas de. C'est pas Lemelard. Si j'aime mieux ça, Lemelard. Lemelard, moi t'appelles Lemelard. Bon, gars, laisse faire les syllabes. Enfin, on parle de syllabes. Yeah! Morning to the evening, complaints from the tenants. Got the walls kicking like they 6 months pregnant. Drinking Alice A with our cereal for breakfast. Girls calling cabs at dawn, 6:45. Sky's getting cold, we flying from the north. Rocking with our city like a sold out show. A house full of pros that specialize in the hoeing. Make that money rain as they taking off their clothes. Order plane tickets, Cali is the mission. Visit every month like I'm split life living. Let the world listen if I hate his card slipping. Then my nigga stay tight. Got my back like Pippin. Fast life gripping. Yeah, we still tipping. Codeine cups paint a picture so vivid. Face try to mimic. Get girls timid, but behind closed doors they get poor so rigid. All that money, the money is the motive. All that money, the money is the motive. All that money, the money she be foolish. Girl, put in work, girl, put in work. Girl, put in work, girl, put in work. Girl, put in work. Push it to the limit, push it through the pain. I push it for the pleasure like a virgin to the game. A virgin to that money, a virgin to the fame. So this my only chance, and when I'm over, only pray that I flow from the bottom. Closer to the top, the higher that I climb, the harder I'ma drop. niggas tryna hold on to their credit. So I tell them use a debit. Watch they image start to listen. I want them like discretion. Why these niggas testing? Always fucking twisting. Why these niggas testing? Shit that I got them on. Straight bar hopping to the music of the ambiance. Get shit popping. Zombies of the night. Niggas ain't talking if they hyping to the crew. Get it in like pockets. Downtown loving. When the moon coming. Only place to find bass. Heads and hearts. Feel it in the morning. Ain't the kind of girl you'll be seeing in the morning. Too damn raw. Ain't no nigga worth her holding. Ain't no nigga that she holding. Man, her love is too damn foreign. Look at all that money. The money is the money. All that money. The money she be finding. She be finding. Girl, put in work. Girl, put in work. Girl, put in work. Girl, put in work. Tu voulais que j'arrête de lire les Pussy Ass Niggas, shit, fuck, fuck disco. Non, mais y a pas juste les paroles là, dans la musique. Hein. Non, c'est ça, une chance. Hein. Arrête de, t'arrêter juste aux paroles. Les paroles sont crues. Les paroles de gangsta hip-hop. Hein, ouais, non, mais c'est important hein, de dire, d'exprimer. Les vraies choses, les Pussy Ass Niggas, il faut qu'ils fassent parler d'eux, eux autres aussi. T'sais. Ouais. Non, ben là, y a pas juste Tricot Machine dans la vie, là, Mathieu. Tabarouette. Bon point. Bah, ben, c'était The Weeknd. Pussy Ass Niggas. Je l'ai dans la tête. Il l'a dit une fois, là. Non, j'ai les paroles devant moi, il l'a dit pas mal plus qu'une fois. En tout cas. Mais bon. D'accord, donc The Weeknd sans le E de la fin, de la ouais. Syllabe. C'était The Morning, le matin. Maison de ballon. On est le matin, d'ailleurs. Vrai. Vrai. Donc, c'est ça, là, Mathieu, je m'en allais. Là. D'accord. Mathieu et François aussi. Non, mais c'est, merci de nous avoir ouvert les horizons. nous, on n'avait pas encore joué ces paroles-là le matin, donc c'est une première. C'est bien. Ouais. D'accord. Merci. De rien. On se retrouve mercredi prochain à 8h. Ça te va? Ouais. Le rendez-vous, on le garde quand même? Ouais, c'est ça. Mercredi 8h pour une autre collègue télécharge quoi? Passe non censuré. Non censuré. Ben, ouais. Amène ton gant de baseball. Uncensored. Ton gant de baseball? Ouais. Pourquoi tu lui lances des balles sur la tête? En 2012, peut-être. Ah, c'est joué au baseball ensemble? En 2012, peut-être. Ah ouais? Ouais. Vous et les balles. C'est un bon choix pour mon équipe. T'as de la pression, là. Ouais, c'est ça. Belle à recrue. Salut. Vous êtes toujours Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. On va tirer des céréales un peu plus tard. Oui, des bonnes céréales Cheerios grâce à General Mills, nos bons amis. Alors reste avec nous, faudrait pas manquer ça. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François-Olivier, Mathieu Plante, Assemblage Requis en pièces détachées. C'est la dernière demi-heure d'Assemblage requis pour ce mercredi 30 mars. C'est François-Olivier Marchand. Tu sais que... Tu plantes? Oui, enchanté. Que les gens à la maison ont faim. En ce matin? Peut-être qu'ils ont encore faim. Peut-être. Même qu'ils ont envie de manger des bonnes céréales. Offrons-leur la chance de gagner des céréales. Quel addon incroyable! General Mills qui nous offre ce merveilleux prix. Un ensemble cadeau de Cheerios. Cheerios, tout simplement. Les meilleurs, donc. Les meilleurs, tout à fait. Que meilleur pour vous, cher public. C'est bon pour votre cœur. Oui, même s'il y a un bol en forme de cœur sur la boîte. C'est pour ça que c'est bon pour le cœur. Est-ce qu'ils en vendent des bols comme ça? Ah, là, je sais pas. Parce que s'ils en vendaient, j'en achèterais. Ah ouais, vrai? Ouais. Sont jolis. Donc, Cheerios de General Mills à vous donner. Et non seulement des boîtes qu'on vous donne, mais en plus des certificats cadeaux pour acheter d'autres boîtes de céréales de la famille de General Mills. Il y a les croque-en-cannelle là-dedans, il y a les Trix. Il y en a des tonnes, des bonnes affaires. Donc, on vous donne ça si vous nous téléphonez au 819-376-5183, aussitôt que la pièce commencera. 819-376-5183. On écoute les Breastfeeders. Voici 400 000. Monkey grooms, blossom blooms. Do you dare? chance, the chance. Well, we wear each other's heads like hats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps when we lie low. We wear each other's heads like hats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps and we die low. Cats de Hot Chip au 89 FM, c'est Assemblage Requis, l'émission qu'on souhaite à partir de matériaux de qualité. François-Olivier Marchand, Mathieu Plante, ensemble jusqu'à 9h. C'était une longue phrase, ça? Oui. Ben, j'essaie de tout mettre en même temps. Bon. 8h42, il nous reste une vingtaine de minutes à l'émission. Le temps de parler, entre autres, d'une assemblée générale spéciale. Ben oui, on sait que les étudiants avaient voté en faveur de la grève ce jeudi, demain. Oui. 31 mars. Et puis là, on dirait que ça veut changer de bord. Oui, parce que l'université, finalement, ne veut pas arrêter les cours qui auraient eu lieu demain pour faire cette assemblée, en fait, ce regroupement de gens-là pour manifester contre la hausse des frais de scolarité. Donc, on nous dit, vous voulez voter pour ou contre une grève le 31 mars. Ça date, est-ce que c'est... C'est ça, c'est aujourd'hui, c'est le 30 mars, aujourd'hui, c'est ça. Oui. Donc, pour voter... pour ou contre une grève qui va avoir lieu demain. Donc, vraiment, on remet en question cette affaire-là vu que l'université a décidé de changer la donne, si on veut. C'est concernant le budget bâchant, évidemment. Donc, certaines personnes souhaitent convoquer les étudiants pour rediscuter du vote de l'Assemblée de la semaine dernière puisque plusieurs étudiants jugeaient de ne pas avoir été bien informés sur l'événement. Ainsi, une convocation d'une assemblée adressée à l'Association générale des étudiants de l'UQTR, donc l'AGE, a été faite. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu venir la semaine dernière, c'est votre chance. Pour ceux et celles qui sont déjà venus, c'est également une occasion pour appuyer davantage votre position ou encore entendre les diverses opinions à ce sujet. Ça a lieu aujourd'hui, mercredi 30 mars. C'est à 15h cette fois-ci. Jusqu'à 18h. On vous dit de venir en grand nombre. Il va y avoir une levée de cours jusqu'à 16h30 pour vous permettre d'assister à cette assemblée. Oui. Levée de cours jusqu'à 16h30. Ça va être ici même au 10-12. Donc, présentez-vous en grand nombre. Faites-vous entendre que vous soyez en faveur ou totalement en désaccord de la grève. Je pense que ça vaut la peine de venir l'exprimer. Et si vous êtes d'accord, la grève aura lieu demain. Le 31 mars, jeudi. Oui, exactement. On va vous tenir au courant, évidemment, des développements là-dessus. Hein, parce que, bon... À un moment donné, c'est des affaires qu'il faut savoir. Même si là, il n'y aura pas de quotidien avant demain matin, en fin de compte, parce que ça va avoir lieu après l'émission que j'anime ce midi. Bon, ouais, c'est ça exactement. Mais on vous revient avec ça demain. Et voilà. Sinon, dans d'autres sujets complètement, tu m'as parlé tantôt de Amazon qui lançait le Cloud Player. Est-ce que tu vas en entendre parler un peu? Oui, donc? Oui, le distributeur en ligne américain Amazon.com lance un service de stockage de musique en ligne pour les particuliers accessibles depuis plusieurs appareils numériques. Le groupe en a fait l'annonce, c'était hier matin sur son site Internet. Le système permet d'acheter de la musique depuis son téléphone ou son ordinateur et de la stocker à la même place dans le système proposé par Amazon. Avec Cloud Driver et Cloud Player, les utilisateurs peuvent écouter et stocker leurs données personnelles. Cloud Player peut fonctionner sur le web sans qu'il ait besoin d'installer un logiciel et avec Android sur les téléphones. Pour l'instant, Amazon offre 5 gigs d'espace de stockage, sachant que les achats effectués sur le site ne seront pas comptabilisés dans cet espace. D'accord. Selon le Wall Street Journal qui a annoncé la nouvelle sur son site pour ce qui est du contenu vidéo, Amazon travaille encore à des questions légales liées à un tel service. Le magasin en ligne semble chercher à prendre de l'avance sur Apple et sur Google. C'était des rumeurs qui volaient partout sur Internet il y a quelques temps de ça. Et encore aujourd'hui que iTunes allait lancer un service dans le nuage, donc sur Internet, où on allait pouvoir écouter sa musique un petit peu partout à la place d'avoir son ordinateur, d'être obligé d'avoir son ordinateur pour l'écouter. Très bonne idée. Ben oui, c'est ce qu'il faut, c'est le futur. Oh ouais, tout à fait. C'est donc de l'informatique dématérialisée qu'on dit. De tels services créent des collections en ligne de musique ou de vidéos identiques à celles qu'un utilisateur stocke sur son disque dur. Donc c'est pas littéralement les MP3 de ton ordinateur, mais c'est des MP3 similaires à que tu peux écouter. C'est les mêmes chansons. C'est ça, c'est que ça sert à rien de stocker la même pièce 1000 fois. T'sais. Non, c'est ça. C'est à la fin. Bref, voilà, ça vous permet d'accéder à votre collection depuis d'autres ordinateurs ou appareils. On a hâte d'essayer ça. Les services d'Amazon, on sait qu'Amazon aux États-Unis, ben on sait étant ceux qui le savent. J'entends toujours cette phrase-là, on sait que, ou tu sais, bon. Bref, Amazon.com aux États-Unis offre l'achat de pièces MP3 depuis des années. Ça fonctionne super bien, un peu à la mode iTunes, mais pas pareil hein, quand même, parce qu'il n'y a pas de logiciel Amazon. Ouais. Mais puis, c'est ça. Hein, oui. Puis iTunes, est-ce que je me trompe ou c'est vraiment un format spécifique? Plus maintenant. Non. Avant, c'était ça? Avant, c'était des fichiers protégés. Maintenant, ils sont ouverts. Avant, ça s'appelait les iTunes Plus, ce qu'on a maintenant, les MP3 qui sont ouverts pour tout le monde. Ben, okay. Je sais qu'il y a des limites sur ce qu'on peut faire avec, si je me rappelle bien, mais en tant que tel, moi, j'ai jamais rencontré ces limites-là. Okay. Et les MP3 que les gens me partagent, tu m'envoies un MP3 de ton iTunes, il va fonctionner sur mon... Bref, voilà pour Amazon Cloud Player et... j'ai bien hâte. J'aime ça. J'aime cette idée-là de pouvoir avoir ma musique n'importe où. Sérieusement, là, il est temps que ça arrive. On est en 2011 quand même. Ouais. Puis les pièces, comme on dit, s'ils sont à une seule place sur le serveur, tout le monde peut y avoir accès. Mm. Si tu les as achetées, évidemment, tu sais, c'est l'affaire. Mais ok, bon. Ouais, parce que c'est ça. Non, sinon ça devient... Mais la musique que tu rips toi-même... Ah, ça, c'est une très bonne question, je sais pas. Parce que la musique que tu rips toi-même, est-ce que le CD t'appartient? Est-ce que tu l'as acheté? Est-ce que tu as payé pour? Ça pourrait être un CD que tu as emprunté d'un ami? Parce qu'il faut pas que ça te nuise si tu achètes le CD, tu sais. Non, c'est ça. Exactement. Mais c'est souvent les gens qui font des choses croches qui viennent nuire aux gens qui font des choses droites. Mais bon, ça a toujours été comme ça dans la vie. On va retourner en musique. On va aller entendre Monogrenade avec une pièce de leur album, Tantale. Pas la Tantale, juste Tantale. Tantale. Voici M'en aller, Tantale. M'a t'appelé de même Tantale. Comme... Tantouze. Tantouze. Tantouze, OK. D'accord. Tantouze. Non? Ben, c'est pas fin, Tantouze. Non? Ben non. Non? Je Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Fucking sex appeal. Yes, Foxtrot Uniform de Atomic Baobab au 89 FM, c'est fou. François, avant de se quitter, il nous reste un petit peu de temps juste pour parler de quelque chose qui a lieu ce samedi 2 avril. Pas une bataille d'oreillers. C'est une bataille d'oreillers, exactement. coordonnée par le Urban Playground Movement. Donc, c'est à Montréal que ça se passe. Ah ouais, c'est à Montréal. Tout à fait. C'est à 15h au Philips Square, au Carré Philippe. Comment t'appelles ça en français? Ouais, ouais. Carré Philippe. Il y a eu une activité similaire en 2009 et en 2010. En 2009, il y avait eu beaucoup de pluie, mais quand même, pas mal de monde se sont présentés. L'événement Facebook pour la bataille de Montréal a déjà 800 personnes qui disent qu'ils vont y aller et 400 peut-être. On sait qu'il y a souvent un ratio sur Facebook de 10 contre 1. Quand tu dis « je vais y aller », il y en a 10 qui vont vraiment pas y aller. Il y en a un qui va y aller, tu sais. Ah oh ouais, pour vrai. OK, il faut diviser ça par 10. À peu près sur Facebook, oh ouais, même okay, dans ceux qui disent... C'est bizarre, parce qu'au pire, Marc, peut-être, si t'es pas sûr, tu sais. Mais bon. Ouais, c'est ça. Moi, je pensais à l'inverse. Non, c'est ça. Mais même si on met ce ratio-là, quand même, normalement, il devrait y avoir quand même assez de gens. Ce ratio-là, je sais pas s'il est scientifique, en fait. J'ai aucune idée. Mais bon. On dit 10 contre 1. Il y a d'autres événements à Calgary, Kingston, London, Québec, Saskatoon. Je sais pas si c'est en même temps, mais on sait que, en tout cas, ce qui est différent, c'est le nombre de gens qui vont aller à chacun de ces événements-là. Mais mettons qu'il y en aurait 80 ou, tu sais, 80 personnes, ce serait quand même pas pire pour une bataille d'oreiller à Montréal. Donc, allez voir l'événement Facebook. Si vous tapez sur facebook.com, Montreal Pillow Fight 2011. On voit en ce moment même 448 personnes peut-être, 1473 qui n'ont pas encore donné de réponse et 496 qui n'iront pas. 848 vont y aller, qui disent. Bon. Voilà, donc c'est le Montreal Pillow Fight 2011 Rock FM. On va retourner en musique une dernière fois. On va l'entendre une pièce de Gaslight Anthem, François. Du premier album. Oui. Oui, de 59 Sound, donc la pièce titre de 59 Sound. On écoute ça et on revient avec la conclusion de l'émission. Vous êtes à l'assemblage requis au 89.5. Glass. See, I was playing a show. Tu me demandais, François, si c'était une journée internationale. Oui, ça a lieu donc le samedi 2 avril, c'est la journée internationale des batailles d'oreillers, International Pillow Fight Day, en Australie, partout, Amsterdam, États-Unis, vraiment partout. Très bonne idée. Toujours à 15h le 2 avril. Les règles, rapidement, des oreillers doux seulement, frapper doucement, ne pas frapper les personnes sans oreiller, enlever vos lunettes à l'avance, ne pas hésiter à venir en pyjama, attendre le signal pour commencer et des plumes seraient conseillées. C'est samedi 2 avril, allez voir sur Facebook Montreal Pillow Fight 2011. Nous, on se quitte, c'est la fin de l'émission. On se retrouve demain à 7h avec François Landry, sa chronique politique. Simon Fitzbay aussi, avec sa chronique Phénomène. Nous, on sera là, comme toujours. Restez sur nos ondes. Tout à l'heure, c'est le dîner de con que j'anime moi-même à 11h en remplacement de Danny Janvier. Suivra une dose d'estrogène en après-midi, mais je vous en reparlerai. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Passe une belle journée, François. À toi aussi, Mathieu Plante. Beau mercredi, Mercredi. Crocodile. Bye bye crocodile, mercredi. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.